Pastris, pastretas, de rebeiabus pecaire, pastris, pastretas, de rebeiabus, que vostros meros, oh, besundebus pecaire, que vostros meros, oh, besundebus. Lus pastres benu, em besus agnel pecaire, lus pastres benu, em besus agnel. A l'enfant Jésus, offrons-nous plus belle pecaire, à l'enfant Jésus, offrons-nous plus belle. Los matjes benu, en de sus trésors pecaire, los matjes benu, en de sus trésors, à l'enfant Jésus, offrons-nous. Je me suis trompée là. La mire, l'essence en bête. L'essence en bête. Oh là, je peux voir, je m'en souviens. Ça ne fait rien, mais ça fait rien. Prend la mira, la haïsan zemedo.